toi maman, pour toi, papa, papa, Adama, la famille quoi, Dieu garde, ouais, mes potes de Vitry, et ouais, les cousins, toute la famille, vous aussi, Doumbia Koulibaly, alors, ouais, tout ça c'est pour vous, pour nous. C'est sur un son comme ça que je vais prendre le temps de me poser, prendre le temps de te déballer tout sur mon exposé, à tête reposée sur papier cassette scud ou sur scène surexposée. Peu importe le lieu ou le moment donné, place que je te prends ça comme une pause café, un rayon de soleil dans ta journée qu'on pourra pas te voler, prends ça de voler à causer. Je veux juste dire aux gens que j'aime ce que j'ai jamais osé, aujourd'hui je vais oser dire à ceux qui m'aiment, ceux qui me supportent quand je suis énervé, à ceux qui m'encouragent et m'aident à toujours persévérer. Place en premier le tout puissant pour tout ce qu'il m'a légué, et dure la voie où mes chemins prédestinés. Ma fierté, mes origines nous montent un bien basané. À ma mère qui veille sur moi depuis que je suis nouveau-né. Ce que je lui donne par mes mots, j'aimerais bien le concrétiser par des murs au Mali, une maison ensoleillée. Dire à mes frères et sœurs que je peux pas les oublier. On dit qu'on choisit pas sa famille, je suis bien tombé. À mes amis d'enfance, d'adolescence, potes de confiance. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a trop, mais à eux tout je pense qu'il est temps de leur dire merci. Merci. N'as-tu jamais pensé à remercier ce qu'on a tous plus ou moins oublié? Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a laissé avant que nos valeurs se consument au passé. N'as-tu jamais pensé à remercier ce qu'on a tous plus ou moins oublié? Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a laissé avant que nos valeurs se consument au passé. On a souvent mis de côté, souvent préféré oublier, compter pour la facilité. En définitive, l'homme est trop compliqué. Que la liste ne va communiquer. C'est être là. La réalité est que l'on ne veut même pas essayer. Laisse les valeurs qu'on nous a enseignées. Comment pourrons-nous les transmettre sans difficulté? On a tous plus ou moins oublié. Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a laissé avant que nos valeurs se consument au passé. N'as-tu jamais pensé à remercier ce qu'on a tous plus ou moins oublié? Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a laissé avant que nos valeurs se consument au passé. Je pourrais le dire ou le redire que je leur dirai jamais assez. Merci et paix à la terre qui nous donne le blé, à la mer, l'océan, rivière, Méditerranée, à ceux qui luttent pour la nature, génération sacrifiée, à tous ceux qui ont péri un jour en profiter, à mes profs, enseignants, éducateurs de cité, à ceux qui ont pris le temps de me comprendre, m'apprendre, m'initier, aux bouquins qui m'ont aidé à ouvrir les yeux, à la musique qui me permet de réaliser mes voeux, à chacune de celles que j'ai aimées, Maëva, Nubia, Delphine pour l'éternité, à tous ceux que je ne pourrai jamais remercier, à mes ancêtres, mon père, mon frère pour ce qu'ils m'ont laissé, aux médecins, à la médecine, aux dentistes qui m'ont soigné, à tous les keufs qui m'ont arrêté et qui m'ont pas fait tomber, à tous mes ennemis, grâce à vous je suis bien entraîné, à mes entraîneurs de foot, ceux qui m'ont appris à shoot, merci aux mauvais, c'est grâce à vous que je suis vrai, merci aux bons d'être aussi vrai, c'est aussi pour vous que je le fais, merci aux critiques qui nous critiquent, je parle des bons comme des mauvais, merci aux musées, aux antiquités, merci d'exister, merci aux petits boulangers, aux petits robots du quartier. Merci aussi à la SACEM, combien je l'aime. Merci à Eddy pour la rime, au taxi pour la frime. Bref, à tous ceux que j'estime. Merci, merci, merci, merci. N'as-tu jamais pensé à remercier ce qu'on a tous plus ou moins oublié? Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a laissé avant que nos valeurs se consument au passé. N'as-tu jamais pensé à remercier ce qu'on a tous plus ou moins oublié? Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a délaissé avant que nos valeurs se consument au passé. Hey, yeah. Hey, yeah. N'as-tu jamais pensé à remercier ce qu'on a tous plus ou moins oublié? Ouvrir les yeux sur tout ce qu'on a délaissé avant que nos valeurs se consument au passé. N'as-tu jamais pensé à remercier